Dimanche 25. Hier, à la morte saison sans arbre et sans vie, la nostalgie m'a pris la main pour m'emmener loin. 15 heures au soleil, le fleuve s'étend, verticale saison, une trace dans les cieux. Le ciel est immensément bleu, sans pareil, sans nuage, un pas devant l'autre. Une mélodie s'accroche à mon esprit. Le temps d'un joyeux moment en dehors de l'espace-temps.